moins chouette. Depuis qu'est partie Juliette, partie si vite, partie si loin, partie un beau matin, partie trop vite, partie trop loin, elle a fui dans d'autres mains. Alors, une de perdue, dix de retrouvée, ben je vous l'assure, c'est pas vrai. Et même si ça l'était, c'est pas ça qui me consolerait. Et même si jamais, c'est bien dur de l'oublier. Y'a comme un trou dans ma tête, un gros vide dans mon cœur. Trop de place sous ma couette et elle me manque son odeur. Et même sa mauvaise humeur, c'est vous dire mon malheur. Car une mélodie, une cigarette, tout est bon pour penser à ça. Le matin ou le soir et la nuit quand je dors pas. De minuit à minuit, à espérer qu'elle reviendra. Pas facile d'imaginer que je goûterai plus ses baisers. Et qu'en plus c'est un autre qui est en train de les savourer. Inutile de le détester, pas plus je me serais gêné. Car l'amour est pire qu'un CDD, pas de travail ni d'indemnité. À tout moment, à toute heure, on peut licencier ton cœur. Et que t'aies fait des fautes ou pas, Cupidon il est comme ça. C'est pas rigolo quand tu t'appelles plus Roméo. Au théâtre du cœur, moi je suis un mauvais acteur. Je joue mal les histoires et j'ai des trous de mémoire. Mais quand le prochain acte viendra, je prendrai plus le rôle du con. Et je me rappellerai que dans mes bras, y a qu'une place pour mon accordéon.